en famille, votre papa ou votre maman, pas de discrimination, non, qui est directeur d'une banque, vous annonce que la banque ouvre un nouveau service qui s'appelle sponsoring culturel. Ok ? Vous êtes étudiant ou étudiante en gestion culturelle ? Qu'est-ce que vous dites à votre papa ou à votre maman au moment où il vous annonce que la banque ouvre un nouveau service sponsoring culturel? Vous avez déjà regardé avec des yeux bizarres quand vous posez votre question, là. Vous n'avez pas fait votre nom. Je comprends. Mais qu'est-ce que je réponds? Ah, tiens, si tu te fais ça bien ou pas. Alors, vous me le dites. Je vous rappelle que je ne juge pas les réponses à votre documentaire. Merci. Votre papa ou votre maman annonce, vous annonce, vous êtes étudiant ou étudiante en gestion culturelle. Ça ne vous laisse pas indifférente ou indifférente. Le poulet et la compote. Oui. Quelle concentration. C'est super. Sur l'examen d'abord, la date du 13 juin qui avait été annoncée, en tout cas qui avait circulé, moi je n'avais pas encore annoncé, peut-être se reporter parce que. Ah, non, d'accord. Bah alors écoutez, je propose qu'on ne fasse pas du tout d'examen. Donc, comme c'est l'anniversaire d'une de vos déléguées, d'accord, ça c'est la première chose. Donc il faudra rectifier parce que justement Madame la ministre a annoncé, ça a circulé, la date du 13 juin a circulé, non? Quand ça? Aujourd'hui. Qui annonçait? C'est ça. C'est ça? Ah, le 13. Oui, c'est pour ça. Mais non, mais ça, je sais que ça ne convient pas à une bonne partie de l'auditeur parce qu'il y a un problème de. C'est pour ça qu'on est en accord avec Madame Ministre. Comme modalité, je rappelle ce que Madame Ministre nous a dit il y a quelques jours. Ce seront deux examens différents, chacun avec une note, chacun avec un travail écrit. Dans une même présentation. La présentation orale sera commune. D'accord ? Donc, Madame Nice vous a expliqué, je pense, il y a quelques jours, ce qu'elle attendait de sa note de faisabilité. Je l'ai vu aussi dans la présentation qui sera envoyée. Donc, on va y revenir. Mais c'est une seule présentation par vous. Vous serez reçu selon un horaire par Madame Nice, Émilie et moi-même. D'accord ? D'ailleurs, avec des questions. Et ça c'est clair. Une fois, deux fois, on n'en dira plus. Alors, sur les TPM et les mémoires, je voudrais vous dire que on est en train, au niveau de la filière, de réfléchir sur la manière dont les choses se déroulent cette année-ci. Ça ne va pas changer cette année-ci. Le calendrier, toutes les informations qui nous ont été annoncées ne vont pas bouger beaucoup. Mais comme c'est un changement par rapport aux années précédentes, on est en réflexion sur une première évaluation de ce nouveau dispositif. Pour alimenter cette évaluation que nous sommes en train de mener, nous avons convenu hier avec vos représentants de procéder à une petite enquête sur une ou deux questions, simplement pour prendre le pouls de l'auditoire, pour savoir pourquoi une grande partie de l'auditeur n'a pas rendu son sujet en novembre, pourquoi une partie de ceux qui n'ont pas rendu leur sujet en novembre n'ont pas remis de TPM en février, etc. D'identifier un peu les raisons qui font la situation dans laquelle nous sommes. D'accord ? Donc c'est une enquête qui va être, moi je ne fais ici que relayer et vous demander de répondre, c'est vos délégués qui vont s'occuper de ça. Soyez simplement attentifs, ça va nous aider à ajuster les choses pour les années à venir. C'est important d'avoir votre perception de ces questions-là. Et enfin, un dernier élément, la séance du 5 mai, donc qui sera la séance qui suivra les deux séances où on fera une esquisse, on travaillera sur une présentation d'esquisse de vos bonnes intentions. Hein. Rappelez-vous, les deux séances après les vacances de Pâques, la séance consacrée à la présentation de vos bonnes intentions. Sans cotation ni rien, c'est simplement un exercice brouillon, je dirais. Ces deux séances-là sont suivies d'une séance de 5 mai qui sera consacrée à une forme de questions, c'est-à-dire c'est une séance libre, mais avec vos questions, des questions qui nous semblent importantes, qui n'auraient pas été suffisamment abordées éventuellement, et par une présentation du nouveau programme de l'année prochaine. Puisque la filière va inaugurer à partir de l'année académique 2017-2018 un nouveau programme que vous pourrez vous présenter sur là et vous indiquer en quoi ça a un impact sur votre programme à vous, puisque vous serez dans l'année de transition d'un programme à l'autre. Et il y aura une ou deux petites choses précises à vous décrire pour que on soit sûr qu'elle soit bien comprise. D'accord ? Puisqu'il y a des nouveaux cours qui vont apparaître, et vous avez déjà un programme, et ça, voilà. Ces questions-là, elles seront développées le 5 mai. Ça va ? Pas de questions ? Oui ? Oui ? Bien fort. Non. Donc l'idée c'est que nous on a votre note d'intention écrite qui nous arrivera, je vous imagine, une date juste après. Et on vous pose des questions à partir de là. Non, non, il n'y a rien à préparer en amont. On a lu votre note d'intention et on démarre directement dans les questions. Mais vous êtes, vous présentez ça par groupe. C'est la présence qui est en groupe. Oui. C'est pas une présentation. D'accord. Et la seule chose, c'est que quand on pose une question, on s'adresse à une équipe. Attention à quand même bien vous mettre d'accord sur ce. Et donc il y a un horaire qui sera établi cette journée-là pour que chaque groupe passe à la. Émilie. Oui, sur le travail avec les différents opérateurs, donc sur les groupes, j'ai relancé tout récemment, la semaine dernière, je crois, deux groupes d'entre vous pour les, sur lesquels je n'ai pas eu de nouvelles et sur lesquels les opérateurs m'ont parfois demandé pourquoi on n'avait pas de. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que vous rappelez que les groupes qui ne l'ont pas encore fait, je crois qu'il y en a deux, donc doivent m'indiquer qui est la personne référente chez eux pour ensuite contacter l'opérateur et commencer à travailler. Ça va ? Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à. Je remets ici ce que j'attends dans la note d'intention dont on a parlé il y a un jour et dont on va continuer à parler aujourd'hui sur les aspects. Budget et mobilisation de fonds singulièrement. Et donc, c'est bien le 20 que ça se passera. Et là, les consignes de Madame Mie. Donc, ça peut être un seul document, hein, d'accord, avec les deux parties qu'on puisse distinguer, mais ça peut être un seul document. Donc, il faut juste enlever le point d'interrogation en dessous du 20. Au niveau des contacts avec les opérateurs, tout se passe bien, tout va bien. Pas de problème à signaler. Tout roule. N'hésitez pas, ne laissez pas des situations compliquées traîner trop longtemps. Adressez-vous à Émilie, adressez-vous à. Elle vient de rentrer là, Émilie. Elle est là. Désormais, au bureau. D'accord ? Et de toute façon, par mail, vers moi aussi. Alors, petit retour sur ce qu'on a vu il y a 15 jours maintenant. Ah oui, oui, sans les mails, j'avais un truc à vous dire encore avant. La semaine prochaine, je vous avais annoncé une séance à 14h. Je vais vous confirmer ça. Ce n'est pas encore confirmé, donc on aura un invité la semaine. C'est une séance avec un intervenant. Je dois encore confirmer l'heure à laquelle la séance commencera. Donc soyez attentifs à nos outils de communication parce que ce sera précisé. Je pense lundi ce sera précisé, mais ça n'est pas encore confirmé. D'accord ? Mais ce sera en tout cas une séance avec un invité qui illustrera tout ce qu'on vient de dire avec un cas qu'il a lui-même. Alors, sur les 10 étapes, donc on a parlé de diagnostic, de l'intention, de la faisabilité, des choix, des questions d'organisation, des questions de programmation, des questions de budget, stratégie, fonds, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a abordé les questions de communication, logistique, d'administration. Et il restait encore un point qui est important, qui est la question de l'évaluation, qui est un outil. En réalité, qui est un outil d'aide à la décision, à l'évaluation, qui n'est pas une coutume ou un usage extrêmement fréquent, notamment au sein des opérateurs culturels financés par le pouvoir public. Il y a assez peu de tradition d'évaluation, en tout cas en Belgique francophone, si on se situe au niveau des politiques européennes, il y a là énormément d'outils d'évaluation. Et plus on se rapproche d'un niveau de pouvoir qui serait proche des réalités et du terrain, moins l'évaluation sera formalisée en réalité. Hein, si vous développez un projet qui va être soutenu par une ville ou par une commune, généralement la notion d'évaluation va être relativement faible, en tout cas dans sa formalisation, parce que la réalité du projet se verra de façon assez immédiate et assez directe. Évidemment, plus on monte dans les étages des politiques culturelles et qu'on s'éloigne du terrain, plus moins la vision est immédiate et donc plus on doit mettre des outils qui permettent d'analyser. C'est comme ça que les politiques européennes sont nettement plus nourries en outils d'évaluation que les autres politiques. Et donc, à l'échelle de la communauté française, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des réflexions structurées sur ces questions-là. Alors, néanmoins, c'est un exercice qui est particulièrement important parce que évaluer, c'est extraire de la valeur. On parle plus généralement, en tout cas dans le chef des politiques culturelles, de dispositifs d'auto-évaluation qu'on distingue des processus d'évaluation. L'auto-évaluation, c'est la manière dont les opérateurs eux-mêmes extraient de la valeur de leurs actions et voient s'ils ont atteint leurs objectifs en fonction de leur réalisation. Un dispositif qu'ils mettent eux-mêmes en place, c'est le premier niveau d'évaluation, c'est la manière dont eux-mêmes gèrent cet outil. Bien souvent, notamment les législations de la communauté française, de la Fédération des Bruxelles, vont se satisfaire de ce dispositif d'auto-évaluation et vont exiger qu'il soit indiqué, qu'il soit renseigné dans les rapports. Simplement dire comment on a fait, qu'est-ce qu'on a évalué, quand et avec qui. Et les conclusions, c'est-à-dire le contenu de l'évaluation, finalement, il appartient à l'opérateur et pas nécessairement à l'outil de décision du ministère de la Culture qui va devoir, par exemple, évaluer ou renouveler un cahier de charges. D'accord ? On a vu dans notre architecture de mise en projet de note d'intention il y a 15 jours que les objectifs opérationnels ou stratégiques d'un projet dépendait de l'intention qui est manifestée derrière le projet. Donc, il y a une finalité, il y a un premier niveau de réflexion qui est quelle est l'intention, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me semble être l'intention générale très large parfois du projet, ça peut être des items très généraux. Ces items généraux, dans le terme d'intention, sont traduits de façon de plus en plus concrète et précise dans différentes couches d'objectifs. Et donc ce sont... C'est bien ça qu'on va regarder. C'est bien ce dispositif-là qu'on va remonter quand on va pratiquer un exercice d'auto-évaluation. Ce qui est important, c'est de définir la méthodologie, comment on évalue, avec qui, quand, dans quel type de circonstances, avec quels outils, que cette méthodologie soit définie au moment où les objectifs sont définis, c'est-à-dire en amont de l'action elle-même. Okay ? Peu débriefer une action, d'accord, vous avez organisé une exposition, vernissage, exposition, finissage, démontage, etc. Vous analysez l'ensemble des paramètres liés à l'exposition. Vous devez situer en quoi cette exposition répondait à un objectif qui lui-même répondait éventuellement à un autre objectif et à une intention ou une finalité, d'accord. Et vous devez décrire la manière dont vous allez regarder ce lien-là avant que l'exposition n'ait lieu, évidemment. Vous devez définir les lunettes avec lesquelles vous allez regarder avant que l'action n'ait lieu. Pourquoi ? Parce que si vous le faites après, vous êtes automatiquement influencé, orienté, l'évaluation, elle est orientée, par le fait que vous avez vécu l'exposition, que vous avez été en première. D'accord ? Donc c'est très important de définir la méthode de l'évaluation en amont de l'action, donc juste après les objectifs en réalité. D'accord ? Généralement, on travaille sur un triangle qui part de l'objectif, qui identifie les réalisations, c'est-à-dire l'action, organiser une exposition avec tel type d'artiste mettant en valeur telle œuvre. Et puis, on analyse en quoi cette réalisation, qui décrit uniquement l'action, a produit un changement par rapport à l'objectif. Si l'idée, l'objectif était de faire connaître l'œuvre inconnue d'un artiste lui-même très connu, c'est-à-dire d'aller vers une zone de découverte d'un artiste qui lui-même était très connu, on a découvert qu'il y avait une partie de son œuvre qu'on ne connaissait pas, votre exposition, elle avait pour objectif de faire connaître cette partie-là de l'œuvre. D'accord ? Vous pouvez vérifier si l'impact sera le moment où vous allez vérifier si l'exposition a bien atteint l'objectif de faire connaître non pas l'artiste puisqu'il était déjà connu, non pas la partie de son œuvre qui était déjà connue, puisqu'elle était là, mais la partie non connue. D'accord ? Et donc, pour ça, vous avez une série d'indicateurs qui vont être des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Alors, attention ici, parce que généralement, les dispositifs, les indicateurs qu'on utilise le plus souvent, ce sont des indicateurs quantitatifs, parce que c'est ceux qui vont être le plus vite accessibles. D'accord ? Et il n'est pas question de d'en diminuer l'intérêt ou de les éloigner de votre cognitif. Mais très souvent, quand on est dans une action du type projet culturel, on a aussi un certain nombre d'indicateurs qualitatifs qui sont souvent plus difficiles à la fois à définir en amont et à analyser pendant le déroulement de l'action. Donc, par exemple, série d'effets qu'on essaye ou qu'on peut essayer de mesurer, c'est par exemple l'effet d'innovation. En quoi votre projet a créé quelque chose de nouveau dans le paysage des projets culturels qui sont proches, etc. Un effet de planification, par exemple, si vous travaillez avec plusieurs partenaires, en quoi le fait d'avoir planifié le projet permet de considérer qu'on poursuit le travail au-delà du projet. En quoi le fait d'avoir structuré un projet autour de plusieurs partenaires structure ces partenaires, c'est-à-dire les renforce chacun et éventuellement les amène à vouloir travailler ensemble alors qu'ils ne travaillaient pas ensemble ou qu'ils travaillaient ensemble de façon occasionnelle, de façon non structurée. Des effets de diversité, vous avez touché des types de publics différents, par exemple. Le public, c'est pas seulement un nombre, sans doute que le public entrera très souvent dans les données quantitatives de l'évaluation, évidemment, mais il faut aussi entrer dans les données qualitatives de l'évaluation. Vous pouvez avoir défini un profil de public que vous avez mis au centre de votre cible quand vous avez fait le travail de séquençage. Si vous le trouvez, si effectivement ce public-là est venu, voilà, vous pouvez estimer que votre objectif est atteint. Par exemple, vous pouvez aussi avoir des objectifs, des effets de développement, où là, l'idée, c'est de travailler avec des structures, par exemple, qui sont en émergence, et de leur permettre un développement de leur professionnalisation, de leur réseau, de leur rencontre avec de nouveaux publics, etc. Donc, on peut imaginer tout ce sérieux. C'est pas une liste fermée, évidemment, à vous de trouver. L'idée sur votre note d'intention, c'est que vous puissiez, avec un ou deux items, pas plus, l'idée n'est pas non plus d'analyser tous les items et tous les objectifs et toutes les actions à l'intérieur des projets que vous allez porter, mais d'en choisir un ou deux maximum, okay, et de faire une analyse au bout du projet, c'est-à-dire dans un an, sur ce triangle objectif réalisation impact. Donc ce qu'on voudrait retrouver dans la note d'intention ici au mois de juin, c'est comment vous allez aborder, c'est quelques lignes sur comment vous allez aborder cette question-là. Qui va évaluer, comment vous allez évaluer et quel est l'objectif que vous allez évaluer. D'accord ? Simplement une petite description, mais sur laquelle vous allez devoir revenir dans un an. Alors, pour toujours nuancer éventuellement parce qu'un événement à l'intérieur du déroulement du projet aura généré un changement, ok, on peut toujours justifier ça. Mais a priori, c'est cette structure-là qu'on voudrait retrouver au moment où en juin 2018, vous allez présenter un compte-rendu de votre projet avec un dispositif d'auto-évaluation et qui va se conclure sur quels sont les enseignements que je tire de mon projet à travers un exercice d'auto-évaluation qui est un dispositif méthodologique assez précis. Okay ? Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir se retourner sur le projet sans être dans la satisfaction, ce qui est une différence entre l'auto-évaluation et la satisfaction. La satisfaction, c'est dire le public était content. Alors tant mieux, ça peut être effectivement un indice intéressant d'une donnée qualitative liée au public. C'est sûr que si le public n'est pas content et qu'il le manifeste, on peut estimer que vous êtes passé probablement à côté d'un objectif public si le public se manifeste dans un sens négatif. Mais en soi, la satisfaction n'est pas égale à l'évaluation. Souvent, c'est une chose qu'on rencontre, c'est qu'on met, pas au niveau des étudiants, mais au niveau des opérateurs, c'est qu'à la place du mot évaluation, on met le mot satisfaction. Or, ça n'est pas la même chose, puisque la satisfaction, c'est simplement un état de ressenti qui peut dépendre de plein de paramètres qui ne sont pas du tout liés à mon exposition. Okay? Alors que l'auto-évaluation, c'est vraiment la construction de votre projet qui vous dit des choses sur ce projet. Okay? Donc c'est une réflexion qui est la plus objectivée possible, évidemment elle est toujours le fruit de plusieurs subjectivités, mais la satisfaction c'est autre chose. Je peux estimer que votre exposition était magnifique, avoir appris plein de choses et avoir découvert la partie de l'œuvre que je ne connaissais pas de cet artiste, et être totalement insatisfait parce qu'il n'y avait pas de chauffage, parce que ça m'a coûté 35 euros l'entrée, parce que je n'ai pas trouvé de parking, parce que le métro est en retard. Voilà. Okay? Donc, ce sont des paramètres là, de la satisfaction ou l'insatisfaction. Vous ne pouvez pas maîtriser tous les paramètres qui font qu'un public sera satisfait ou insatisfait. Donc attention juste à cette limite là. Sinon, c'est un dispositif que vous devez un peu construire sur base de ce que je vous indique là et qu'on veut trouver dans la bonne intention pour pouvoir le récupérer un an plus tard, au moment où vous serez en phase de sortie. D'accord ? Donc c'est un élément important parce que de nouveau, c'est pas une tradition spontanée dans le chef des opérateurs culturels. Hein? C'est, souvent, les opérateurs culturels, ils sont un peu le nez dans le guidon et ils n'ont pas beaucoup de contraintes là-dessus sur des dispositifs comme cela. Ils n'ont des contraintes que quand ils ont des financements européens. Et là, on est dans tout autre type de regard d'évaluation où on va, par exemple, mettre en lien les moyens affectés au projet et les résultats quantitatifs obtenus. Et on va calculer si, dans une bibliothèque, un mi-temps correspond à autant de livres qui ont circulé. Enfin, on est sur quelque chose de beaucoup plus du type audit, en réalité. Hein, la mise en œuvre des programmes européens. Hein, donc on est dans quelque chose qui est... Ici, l'idée, c'est l'évaluation et de définir soi-même le processus, la méthodologie de processus qui fait qu'on y arrive. On tire des enseignements. Alors, je voulais aborder la question du budget et des levées de fonds. En quelques mots, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir, notamment la semaine prochaine avec le cas particulier. D'abord, sur la question du budget, la question de la définition d'un budget. Donc c'est une prévision, c'est aussi un outil d'aide à la décision, le budget. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est un outil qui va traduire en chiffres, en données chiffrées, les mouvements qui vont traverser la mise en œuvre du projet, qui va identifier quelles sont les conditions minimales qui permettent de faire le projet, de mettre en œuvre le projet, et qui va permettre de suivre tout au long de l'évolution de la mise en œuvre du projet, l'évolution des ressources, et notamment de pouvoir du coup prendre un certain nombre de décisions à l'intérieur de la mise en œuvre du projet parce que tel ou tel produit arrive ou n'arrive pas, ou est en attente, ou est éventuellement mis en danger. Hein. Donc, bien percevoir que c'est un outil à la décision, que c'est un organisme vivant, c'est-à-dire que ça va tout le temps bouger. Ça peut tout le temps, il peut y avoir un budget quotidien tout au long d'un projet. C'est possible, pas nécessairement souhaitable, mais c'est possible, le budget peut changer. Et donc il faut une capacité d'analyser et de prendre la décision, de voir aussi qui est le responsable de la décision en termes d'arbitrage budgétaire, parce que parfois, souvent, un budget c'est la conséquence d'un certain nombre de choix qui sont faits. Donc c'est très important de définir qui est le final cut, comme on dit, sur le choix. En termes de structure, oui, et c'est aussi un outil qui permet de lire un projet en réalité. Hein. Moi, je dois presque pouvoir vous décrire votre projet uniquement en ayant votre budget en main. Bon, si votre budget est bien fait, d'accord ? C'est-à-dire si on est dans un budget qui est suffisamment précis, je dois pouvoir reconstituer votre projet rien qu'en lisant le tableau des charges des produits. Alors en termes de structure, on a deux colonnes. Globalement, ça, vous savez, dépenses et recettes, ou plus généralement, pour reprendre les termes exacts liés à la comptabilité. Quand on est devant un projet culturel, il y a deux types de dépenses et plusieurs types de recettes. Le type de dépenses, c'est essentiellement les dépenses de fonctionnement. On a appelé à un moment donné, y compris dans la législation de la Fédération de Bruxelles, le TOM, c'est-à-dire le théâtre en ordre de marche, tout ce qui est lié aux frais de personnel, par exemple, aux frais liés à la coordination, services et biens divers, et à l'administration. Donc tout ce qui fait que l'opérateur est en ordre de marche avant de commencer une activité. D'accord ? Donc vous allez avoir là-dedans les masses salariales, notamment, qui vont être les postes de charge les plus importants généralement. Et puis vous avez un poste d'activité qui va là décrire par activité une série de coûts, plateau artistique, logistique, communication. Alors la distinction théâtre en ordre de marche et activité est une distinction qui a été inscrite dans les législations liées aux arts de la scène il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Elle est reprise à d'autres endroits, elle est intéressante sur le principe. Sur des projets simples, elle est relativement intéressante. Maintenant, sur des projets complexes, elle est assez difficile à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que la communication est un poste lié à l'activité, mais en même temps, c'est l'institution qui communique. Donc, il peut y avoir une partie de la communication qui fasse partie de ce qu'on appelle l'ordre de marche. Le salaire du régisseur, est-ce qu'on le met dans les postes de coordination et de fonctionnement ? Parce que c'est un poste à temps plein qui est en fonds propres de l'association, par exemple, du théâtre, ou est-ce que automatiquement on va le répartir sur l'ensemble des activités sur lesquelles le régisseur va intervenir sur les fiches techniques. Donc, ça a donné lieu à des tensions parce que c'était extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Simplement sur ce que je vous demande de comprendre, c'est pas la complexité que ça entraîne, c'est plutôt le fait qu'on a deux grands types de postes quand on est dans un projet culturel, les postes liés au fonctionnement et les postes liés à l'activité. Ça, c'est ce qui paraît à ce stade-ci, et on aura l'occasion aussi de revenir l'année prochaine. Finalement, quand vous mettrez en œuvre des budgets, vous pourrez les établir, vous pourrez créer ces tableaux. Donc, on aura l'occasion à ce moment-là d'aller un peu plus loin sur ces questions-là. Le poste des produits, c'est essentiellement trois types de produits, en tout cas dans les masses importantes, c'est les recettes propres. Ça, c'est la billetterie, c'est vos entrées à l'exposition, c'est vos entrées au concert, etc. C'est les fonds que vous que l'activité elle-même va générer. Les subsides, ça, c'est l'intervention des pouvoirs publics. D'accord ? Ce sont des interventions qui arrivent souvent en amont. Normalement, si tout va bien, vous devez être informé des subventions qui vous sont acquises avant que l'événement ait lieu, hein, alors que la billetterie ou les recettes propres, c'est souvent des produits qui arrivent en aval. Alors vous pouvez faire des prévisions sur ce qui arrive en aval, il y a néanmoins une incertitude qui demeure parce que ce jour-là, il peut y avoir du verglas, il peut y avoir plein de choses qui font que votre concert ne rassemble pas le public et les entrées que vous escomptiez. D'accord ? Donc ça, il y a toujours un risque qui pèse sur la recette propre, il y a toujours évidemment un risque qui pèse sur le subsiste, et qu'on vous dit non, mais a priori, vous le savez avant. Je dis a priori parce qu'il arrive dans les processus de décision qui peuvent être parfois très lents, que vous ne le sachiez officiellement qu'après. D'accord ? Ce qui fait donc, dans la gestion du projet, peser un double risque sur votre activité. Mais ça devient de plus en plus exceptionnel. Normalement, on vous dit bien à l'avance que vous allez avoir ou pas l'octroi du subsidie. Les sponsors, c'est pareil, sauf que ça, c'est le financement privé qui, là aussi, font l'objet d'une démarche que vous devez faire, que vous devez développer en amont, on va en parler tout à l'heure, et qui vous donc garantissent le point de départ, normalement, de votre projet et de son enveloppe disponible ou pas. D'accord ? Donc ça, c'est la structure de l'outil. Alors, si je reprends l'exemple qu'on avait utilisé la dernière fois pour vous donner un peu des ordres de grandeur, de types d'interventions qui sont en place, qui sont possibles en tout cas. Bon, évidemment, ça vaut pour cet événement-là. C'est, on aurait pu prendre plein d'autres exemples de structures, de produits. Mais donc là, vous voyez pour le projet d'avril en mai, hein, qui avait été mené par vos prédécesseurs, il y avait quatre sources de produits. L'USB avec des crédits facultaires. Donc là, il y a eu accès à un fonds, etc. Il y a eu un dossier. Tout ça, ça a été pas juste la faculté qui a dit OK, on vous donne tout ça. La commune d'Ixelles, les recettes propres, c'est pas ULB, c'est recettes propres. Les ventes du bar et une intervention de la COPOF comme subside public. Voilà, un peu le type de. Maintenant, ça, c'est un exemple, il peut y en avoir. Je voudrais faire un point spécifique sur la rémunération des artistes, parce que c'est un cas de figure auquel vous allez faire face de façon très probable. Et sur lequel il ne faut pas se tromper. Quand on est en commerce avec un artiste qu'on doit rémunérer, il y a deux types de relations qui s'établissent. Soit la relation de travail est directe, c'est-à-dire que votre structure, ASBL ou autre, engage l'artiste, le salarié, et donc le paye en direct. Soit la relation de travail est indirecte. Alors on va viser les questions de relation de travail indirecte, c'est-à-dire que là, vous passez par un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est soit la structure de l'artiste lui-même, l'artiste, il est engagé par une ASBL, qui est sa compagnie, par exemple. Et dès lors, il y a un contrat qui s'établit entre les deux ASBL, celle de l'opérateur et celle de l'artiste. C'est ce qu'on appelle un contrat de cession. L'artiste vous cède, l'ASBL de l'artiste cède à votre ASBL opérateur, la session, un spectacle. C'est une représentation du spectacle en échange du versement d'un cachet, ce qu'on appelle un cachet, qui est le prix de vente de la représentation. Okay? C'est ce qu'on appelle un contrat de session, qui prévoit toutes les données liées à la livraison d'une représentation du spectacle. Okay? Donc, c'est-à-dire que l'ASB qui livre le spectacle, livre avec les comédiens, la musique, etc., enfin les décors, tout ça est précisé, puisque c'est là son engagement, votre engagement, c'est d'accueillir la livraison du spectacle et de payer en échange une somme qui correspond au cachet. Et donc, il va y avoir une facture et vous allez payer une facture. Dans votre comptabilité, ça va apparaître comme facture au même titre que votre facture d'électricité si vous payez votre électricité. Ça, c'est un premier niveau de relation de travail indirect. Il y a les relations de travail qui passent par un intermédiaire. Vous connaissez les sociétés type Smart et autres qui jouent ce rôle-là, dont la mission est de jouer le rôle de l'intermédiaire et qui, eux, sont en relation de travail direct avec les artistes. Hein. Donc, soit c'est la compagnie de l'artiste, soit l'artiste n'est pas structuré en ASBL ou en société et passe par un intermédiaire, par une société qui est louée à l'intermédiaire. De la même façon, vous avez une facture et dans votre compte, ça rentre comme facture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation de travail directe. Quand il y a une relation de travail directe, vous établissez un contrat de travail, vous engagez un musicien et donc vous établissez un contrat de travail entre votre association et directement la personne du travailleur musicien. Ok ? Dans ce cas-là, et c'est ici qu'il faut être très attentif de façon générale sur le calcul du salaire, puisque vous avez versé un salaire, votre musicien va vous livrer une prestation et en échange d'un salaire. Le calcul de la structure salariale, il faut bien la maîtriser. Pourquoi ? Parce qu'il y a en réalité trois parties à un salaire. Donc vous êtes l'employeur qui paye le salaire, d'accord ? Ce qui est la position dans laquelle vous allez vous retrouver principalement, je dirais, c'est le net, le brut et le coût total. Alors vous êtes en charge de payer le coût total. C'est-à-dire que vous allez verser une somme à l'artiste, mais vous allez aussi devoir verser une somme qu'on appelle cotisation sociale, charge patronale, qui est une charge, qui est même une charge prioritaire pour les SBL, c'est-à-dire que quand vous ne la payez pas, vous avez des amendes, et ce sont des amendes très conséquentes. Il y a aujourd'hui des associations qui sont en menace de liquidation parce qu'ils n'ont pas payé leurs charges patronales. D'accord ? Donc c'est une des charges les plus prioritaires à verser, d'accord ? Parce qu'elle touche évidemment à l'emploi. Et donc, vous vous entendez avec votre artiste musicien que vous engagez pour un concert sur un salaire net de 1500 euros, c'est-à-dire ce qu'il aura dans sa poche. Okay ? Vous devez ajouter ce qu'on appelle le brut, 35% supplémentaire, d'accord ? 525 euros. D'accord ? Ce qui nous amène à 2025 euros comme coût brut. C'est ça, c'est le net plus les cotisations de l'employé. C'est-à-dire que lui, c'est ce qu'il va devoir reverser. Mais vous devez lui payer 2025. Mais ce n'est pas tout, parce qu'au montant brut, vous devez rajouter les charges patronales. Et c'est souvent là qu'il y a une erreur. C'est qu'on ne rajoute pas les charges patronales, c'est-à-dire les cotisations de l'employeur. Il faut rajouter au montant, et donc c'est 2025 plus 769. En réalité, vous, ça va vous coûter 2794. D'accord ? Donc dans vos budgets, quand vous organisez un concert avec un musicien avec qui vous vous mettez d'accord sur un salaire net de 1500 euros, vous ne mettez pas 1500 euros dans votre budget. Vous mettez 2794 dans votre budget. C'est-à-dire quasiment le double. Ok ? J'insiste sur cette question parce que l'erreur, elle est très régulière. Elle est très fréquente et vous voyez comment ça peut déséquilibrer un budget de se gourer dans ce calcul-là. Alors pour être sûr, évidemment, le coût du 35%, du 38%, etc., c'est des choses, c'est des enveloppes que je donne là, parce que ça dépend de plein de paramètres liés à un certain nombre de caractéristiques liées aux personnes elles-mêmes. Vous avez des sites de secrétariats sociaux qui sont des structures qui font les calculs où il y a moyen de faire des simulations en fonction d'une série de paramètres que vous employez. Hein. Donc quand vous faites des prévisions budgétaires, si vous choisissez d'engager un artiste et de le salarier directement vous-même, vous devez absolument être attentif aux composantes du calcul d'un salaire pour l'employeur. Et évidemment pour l'employé aussi, parce que si vous indiquez 1500 euros comme coût employeur, dans votre budget, ben lui n'aura pas 1500 euros en net, hein, d'accord ? Il aura peut-être 700 euros en net. Ça risque de créer évidemment des difficultés avec vous. Donc attention à cet élément-là dans le calcul du salaire et surtout dans l'exercice de votre projection budgétaire, de bien tenir compte de ces différentes composantes. Il faut, grosso modo, être un peu en dessous du double. Si vous voulez faire les choses à la louche dans une première esquisse budgétaire, par exemple, là, vous n'avez pas encore trop d'idées, mais par exemple, vous ne savez pas qui vous allez engager, mais vous savez que vous voulez concevoir un projet avec 5 comédiens, ouais, et qu'il y a un mois de répète pour créer un spectacle. Vous allez être à peu près dans le montant net qui est là. Enfin, voilà, si vous êtes à peu près là-dessus, vous faites 5 fois, non pas le montant net, mais 5 fois à peu près le double de ce montant-là. Donc vous voyez la différence que ça peut générer. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Oui ? Je ne sais pas si c'est votre sujet, mais si on emploie au noir, quels sont les risques en fait ? Ils sont assez. Non, c'est une bonne question parce qu'effectivement. Oui, très bien. Alors, la première chose, c'est évidemment que vous tombez, c'est une faute. Donc, vous tombez sous le coup de, si vous avez un contrôle, la loi sur la sécurité sociale, ça vous tombe dessus. Et des amendes extrêmement lourdes si on peut prouver que vous étiez dans. Que vous avez contourné une relation de travail. Voilà. Donc, autant dire que. Enfin. C'est à éviter absolument. Alors, il y a des dispositifs qui existent. Mon cher, parce qu'évidemment, ce que je vous explique là, c'est, d'une certaine manière, une limite à l'engagement d'artiste. D'accord ? Si, au lieu de pouvoir en engager deux, vous vous rendez compte que vous ne pouvez en engager qu'un seul, c'est une limite. D'accord ? Donc, on a inventé toute une série de systèmes, comme les RPI, par exemple, le régime des petites indemnités, où il n'y a pas le brut ONSS patronal, mais où du coup, l'artiste lui-même ne cotise pas non plus. d'une certaine manière, quand les 525 de brut que l'employé cotise, en réalité, il met ça dans une caisse, et quand il a la pension, il a accès à une pension. D'accord ? Je simplifie, mais c'est ça l'idée, évidemment. C'est une cotisation, c'est une réserve qui est créée. D'accord ? Il y a des systèmes qui permettent d'échapper au coût, à la charge en direct, et donc d'alléger ce calcul, réduire l'impact d'un salaire net. C'est ce qu'on appelle par exemple le régime des petites indemnités. On passe plutôt par l'idée qu'on indemnise l'artiste plutôt qu'on a un salarié, mais du coup il ne cotise pas. Et donc tous ces contrats-là ne vont pas être comptabilisés à un moment donné de la trajectoire de la personne pour identifier sa pension. Donc, il y a des choses comme ça qui sont inventées pour alléger la charge maintenant, mais d'une certaine manière reporter la responsabilité et les faits sur, d'abord sur les personnes et pas sur les structures, et puis dans le temps. On recule l'impact dans le temps. Donc voilà. Après, le plus facile, si on a une difficulté sur le fait de ne pas pouvoir rémunérer comme on voudrait en clair un artiste, évidemment, c'est d'utiliser les intermédiaires type Smart, etc. Parce que ça, ça donne quand même une stabilité et l'impact financier pour vous, il est moindre. Hein? Donc voilà, ça c'est quand même la meilleure formule quand on démarre, quand on se lance et que les choses sont un peu serrées, c'est d'essayer, mais il faut que l'artiste souscrive, et etc. C'est un chemin que lui doit faire. Mais généralement, les jeunes artistes sont plutôt ouverts à l'idée de... Voilà, ça facilite les contrats en fait, hein? Ça facilite l'accès au marché de l'emploi. Donc voilà. Il faut évidemment éviter voilà, le plus possible de travailler au noir parce que c'est mauvais à tous les niveaux. Et aussi les APE. Alors les APE, ça c'est des APE ou les ACS à Bruxelles. Les régions, je vous ai parlé de ça quand au tout début du cours. Je vous ai dit que tous les niveaux de pouvoir intervenaient dans l'institut, y compris les régions, alors qu'elles ne sont pas compétentes en matière de culture, mais elles sont compétentes en matière d'emploi. Et notamment ce qu'on appelle tout le secteur de l'emploi non marchand, où il y a des programmes d'aide à la promotion de l'emploi. En région wallonne, ça s'appelle comme ça. Et à Bruxelles, c'est les mêmes types de montage, ça s'appelle ACS, où là, la région, elle subsidie une association pour qu'elle puisse engager du personnel. D'accord ? Mais ça, généralement, ça s'applique assez peu au type de contrat d'artiste comme ça, parce que les contrats d'artiste, c'est souvent des contrats ponctuels. Pour tel concert, vous allez, ou telle création, vous allez engager un musicien qui va répéter un mois et livrer un spectacle. Et ce mois, c'est un mois de travail avec un mois de salaire. D'accord ? Mais le mois suivant, il ne sera plus salarié par vous. Alors que les APE, ça soutient plutôt des travailleurs, plutôt des gestionnaires, ou des animateurs, ou des programmateurs, ces métiers-là qui sont, eux, tout le temps dans la structure. Et là, l'idée, c'est que la région, les régions subventionnent l'emploi dans les structures. Et donc vous recevez X millions d'euros par emploi que vous rémunérez. Mais ça s'applique pas. Ça s'applique aux artistes quand les artistes sont engagés à l'année, quoi. Parce qu'il faut être engagé à l'année sur ce type de compte. Mais donc il y a une myriade de programmes qui soutiennent l'emploi, il y a une myriade de dispositifs liés. Alors, je ne vais pas au statut des artistes parce que c'est, ça mérite un cours à part entière, on pourra y revenir, mais ici, ce que je voulais attirer votre attention sur un truc, c'est le passage du net au coût total qui a un impact majeur dans vos projections budgétaires. Donc, à l'heure où vous abordez les questions de projection budgétaire, attention, parce que moi, je vois cette erreur-là souvent. On confond le net au brut et on dit, voilà, je suis bon parce que je paye mon artiste 1500 et d'ailleurs c'est ce que j'ai mis dans mon but. Ok ? Alors sur la recherche de fonds, on va l'aborder sur. Donc une fois que vous avez établi votre budget, votre mécanisme d'évaluation, tout ça est ouvert. Et finalement, il y a tout le volet de la mobilisation du fonds, c'est-à-dire où est-ce que je peux aller chercher l'argent en amont, puisque mes collection en aval peuvent être fragilisées éventuellement par des paramètres que je n'aurais pas prévu. La billetterie, par exemple. Et donc, évidemment, une grosse part de l'énergie des gestionnaires culturels, c'est d'aller chercher les moyens en amont. C'est-à-dire le moment avant que le projet n'ait lieu, de pouvoir consolider un certain nombre de ressources qui permettent de réaliser le projet dans sa priorité. Il y a deux niveaux sur lesquels on peut aller, c'est les niveaux de la sphère publique. On en a déjà pas mal parlé, vous en avez reparlé avec Madame Nist. Et il y a toute la sphère privée avec toute une série d'éléments qu'on va aborder cet après-midi et qu'on illustrera la semaine prochaine avec le cas dont on va parler. Ok ? Dans 10 minutes ?